Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Eh bien, on va aller entendre premier extrait de cette entrevue que j'ai réalisée avec Gilles Cancer plus tôt cette semaine. Et on va vous faire écouter également une pièce de cet album-là pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qu'est la musique éclectique et complètement folle de Gilles Cancer. C'est une expérience musicale assez intéressante. Franchement, là, ils sont pas nécessairement les premiers à faire ça, mais dans les premiers. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très, très cool. Et c'est un groupe trifluvien, hein, ça vient de Trois-Rivières. C'est des gars, ça, qui travaillent dans les alentours de Trois-Rivières, qui ont une vie active à Trois-Rivières également. Et donc, voici le premier segment de l'entrevue avec Gilles Cancer. Veuillez excuser mon genre de ton, par contre. Hein, j'ai une grosse journée, entrevue, cours, on court partout. Et donc, voici le premier segment de l'entrevue avec Gilles Cancer, Rémi Francœur ainsi que Pierre Brouillette-Amelin, respectivement chanteur et acteur de Gilles Cancer, et Pierre qui est également musicien, compositeur de la formation, gros leader également du groupe. Voici donc Gilles Cancer, entrevue, segment numéro 1. Gilles Cancer, bonjour. Bonjour, Simon Fitzbé. Première question répondue. Non, c'est pas vrai. Donc, Gilles Cancer, j'aimerais ça qu'on commence l'entrevue. Tout simplement, vous allez m'expliquer comment vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé un jour de commencer à prendre des instruments et de faire de la musique. Ouais, ben, ce style de musique en particulier. Mettons, jadis naguère, il y a à peu près 3 ans... j'étais dans une passe que je faisais quand même gros d'argent, puis j'avais le goût d'acheter un instrument de musique. Puis je savais vraiment pas quoi, puis tout le monde autour de moi jouait déjà de la guitare ou de la bass, fait que il m'est comme venu l'idée farfelue d'acheter un Theremin. Puis là, ça a dormi dans un coin de mon appartement sans que je m'en serve vraiment pendant une couple de mois. Puis, à un moment donné, il y avait un de nos amis, à moi, Rémi et Josua, qui organisait un show Hugo Lucion, avec le show Hugo Lucion et le Tsar System. Puis, il voulait tout puis n'importe quoi en première partie. Il y avait déjà du monde qui faisait une pièce de théâtre spontanée. Fait qu'on a dit, on pourrait essayer de faire quelque chose. Fait que moi, Rémi, Josua, au départ, c'était même pas un band. Là. C'était comme juste un projet d'un soir. On va faire une niaiserie, puis c'est pas mal tout. On a fait une toune, ça a duré 10 minutes. Ouais, Rémi était déguisé en clown. Puis, à partir de là, on s'est amusé. Fait qu'on a dit qu'on allait continuer tout simplement, là. On n'a jamais vraiment eu une prétention que ce soit musical. Non, pas de prétention, mais quand même, est-ce qu'il y a une recherche au niveau de cette musique-là? C'est quoi vos influences en général? Ça, c'est large, ça doit être très large. Pour ma part, quand on me demande c'est quoi mes influences pour Gilles Cancer, je parle du bopping de Michael Jackson puis de James Dean à quelque part. Est-ce que vraiment je parle vraiment de mes influences musicales pour le projet Gilles Cancer qu'on peut entendre sur MySpace ou l'album si on l'écoute? Plus ou moins. Je pense que les gars, on s'inspire tous de la musique qu'on entend, la vie qui nous entoure, puis n'importe quoi. Puis c'est une réponse vraiment quétaine. Hein? C'est bon. Moi, dans le fond, musicalement, c'est sûr, on prend un peu tout ce qu'on écoute en même temps. Mettons, moi, j'écoute quand même beaucoup de musique expérimentale, de noise, de krautrock, de trucs un peu moins faciles d'accès, mais en même temps, d'un autre côté, Josué a une influence qui est un petit peu plus électronique. Un peu plus direct, un peu plus, je dirais pas dance, mais un peu plus terre à terre. Fait que c'est une espèce de mélange. On se fait catégorifier dans du noise, mais en même temps, des fois, j'écoute qu'est-ce qui se fait dans le noise de nos jours, puis je nous trouve très, très soft par rapport à ben du monde, que c'est juste vraiment, ben, pas, je dirais pas écoutable, mais vraiment beaucoup plus agressif que qu'est-ce qu'on peut faire. Fait qu'on essaie de dire, mettons, du pop noise, là, quelque chose de populaire, mais noise en même temps. Oui, parce que ça s'écoute bien quand même. C'est sûr que c'est pas pour toutes les oreilles, mais ça sonne quand même très bien. Je veux dire, il y a des pièces qui peuvent jouer à la radio là-dessus. D'ailleurs, j'ai déjà été surpris d'entendre ma voix assez fou par Gilles Cancer, puis j'étais... Je pense que j'ai écrit un message à Pierre en lui disant « Pierre, tu sais pas quoi, je nous ai entendu assez fou, ça me fait rire qu'une émission du matin passe du Gilles Cancer. » Tu dis que c'est écoutable, selon nous, oui, parce qu'on en a fait en espérant que les gens en écoutent. Puis en même temps, au départ, le but n'était pas nécessairement d'être écoutable, que d'être regardable, de se faire voir, puis de réussir à avoir un spectacle qui soit intéressant dans tous les aspects. Puis oui, c'est écoutable, mais... Il y a des gens qui écoutent pas ça puis qui nous le disent très clairement aussi. Premier segment donc de l'entrevue avec Gilles Cancer qui a été réalisé un peu plus tôt cette semaine. Le groupe est en performance à l'appart et ça commence à 9h. Vendredi pour 6h, en fait, vous pouvez arriver vers 7h30, 8h pour avoir des bonnes places. Le show commence à 9h et comme on dit sur l'événement Facebook donc de ce show et que ce que les musiciens m'ont également confirmé, c'est qu'arriver avant 9h, parce qu'à 9h, ça devrait commencer pas mal dessus de suite parce que donc il y a 4 groupes à passer et quand même, on va pas finir le show à 4h du matin. On va aller simplement écouter une deuxième partie de cette interview qu'on a eue avec Gilles Cancer, interview très intéressante où le groupe nous présente à la fois ses horizons, la raison pourquoi le nom également Gilles Cancer, on va en discuter de ça. Mais tout d'abord, on s'attaque un peu à leur performance scénique. Et on parle entre autres du lancement de l'album qui a eu lieu en novembre dernier. Gilles Cancer donc qui a lancé son premier album. On va en avoir une copie à faire tirer très bientôt, probablement donc dans quelques instants. Mais avant tout, donc voici deuxième partie de cette entrevue, deuxième partie de trois de l'entrevue avec Gilles Cancer. Là, on parle de la performance scénique du groupe. On va voir un show de Gilles Cancer, c'est plaisant à regarder. Je veux dire, vraiment, il y a l'élément visuel qui est très présent. D'ailleurs, au lancement de l'album, il y avait entre autres l'accouchement... La naissance de Rémi qui se déroulait devant nos yeux. Là-dessus, il y a eu comme un malentendu. La mère Rémi nous avait vus en show un mois et demi avant. Puis, à la fin du show, elle nous disait « J'ai vraiment quelque chose de super que vous pourriez utiliser. Chez nous, j'ai la cassette qui a été filmée lorsque j'ai accouché à domicile de Rémi. » Mais elle, ce qu'elle voulait dire, c'est « Vous pourriez utiliser le son de la cassette. » Mais on n'a vraiment, vraiment pas catché. Puis, c'est vraiment pas méchant. On a juste pas catché qu'elle voulait dire ça. Fait que nous, on l'a projeté à notre lancement. Ça... Sur mute, ça, sans le son. Fait, t'sais, ça a bien passé auprès d'elle, mais en même temps, elle voudrait pas qu'on le refasse. Puis je la comprends un peu. Là, c'est... J'aurais été gêné à sa place. Ouais, c'était assez exceptionnel, surtout de savoir. On l'avait on l'avait pas reconnu du vidéo, mais en fait, Rémi, tu nous l'avais présenté d'une certaine façon. Donc, on savait exactement c'était qui. D'ailleurs, le rouge te va bien. Oui, j'en ai reparlé avec ma mère par après, puis on trouvait ça drôle parce que les deux, on s'est comme avoué qu'on n'aurait pas voulu faire ça. Puis on l'a pourtant fait. Puis quand j'allais parler aux gars, à Josué et Pierre, je trouvais ça encore plus drôle parce que on était tous mal à l'aise dans cette situation-là. Mais je pense qu'on a assumé le malaise puis on a imposé un malaise à notre foule aussi. Là. Puis c'est un peu au départ notre jeu où on s'amuse le plus. La raison pourquoi on fait Gilles Cancer, je pense, c'est de s'amuser à aller se faire écouter puis faire quelque chose qui est nouveau. Puis le malaise a été une de nos formes d'approche vers le public souvent. Là. Réussir à rendre les gens assez mal à l'aise, qu'ils soient pas sûrs s'ils aiment ça ou s'ils haïssent ça, qu'ils soient comme sur le balancier entre les deux, là. Justement, parlant de la foule, la première fois qu'on m'a emmené voir un concert de Gilles Cancer, on m'a dit « T'aimeras pas ça. Tu vas pas aimer ça. La plupart du monde qui vont voir ça aime pas ça. » Pourtant, moi, j'ai adoré. Mais au niveau donc de la foule, en général, les gens qui vont vous voir pour la première fois, qui vous connaissent des fois pas parce que vous faites des shows avec d'autres artistes, c'est quoi la réaction? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir qui vous frappent dans le visage ou qui vous mordent, quelque chose comme ça? On n'a jamais eu de réaction vraiment aussi forte que ça. Là, la première année qu'on a participé au Mardi de la Relève, il a failli y avoir des bagarres dans la foule. On a déjà eu des gars de son qui nous ont pété des sérieuses coches par rapport à nos propos, autant que notre utilisation du matériel, qui avait peur qu'on endommage des choses. On a déjà des gens qui sont vraiment partis en crise après nos spectacles parce qu'ils trouvaient que peut-être qu'on allait trop loin ou que ça les touchait une partie... T'sais, ils le prenaient personnel, mais t'sais, on se défend, t'sais, on s'appelle Gilles Cancer, t'sais, on s'appelle pas ton père est mort du cancer parce qu'il a fumé toute sa vie puis c'est vraiment un crise de cave. Il y a vraiment une différence. T'sais, tout le monde dans sa vie de nos jours connaît quelqu'un qui est mort du cancer, que ce soit un cancer du poumon, un cancer de quoi que ce soit, c'est plus un sujet qui est tabou, là. Ben oui, en même temps, c'est ça, c'est que ça l'a encore, mais c'est que il y a personne qu'il faut qu'il se sente unique parce que justement, il était touché par cette maladie-là. C'est plate, puis il faudrait pas qu'il y ait des gens qui en crèvent du cancer, mais faut l'accepter, c'est dans la société à cette heure, là. D'ailleurs, je dois ajouter là-dessus, j'ai acheté, parce que vous vendez des merveilleux collants lors de vos spectacles, j'ai acheté au lancement un collant que j'ai mis sur le devant de mon ordinateur et je suis tombé pratiquement face à face, en fait, par personne interposée avec quelqu'un qui avait le cancer. Et en fait, il avait l'air de bien prendre ça quand même, mais il avait trouvé l'ironie. Mais l'autre personne qui était entre les deux comprenait pas du tout. Le nom quand même, ça va un peu avec l'interprétation de la foule de votre art. Est-ce que vous faites critiquer beaucoup à cause du nom? Je sais que Pierre t'a répondu beaucoup. Mais le nom, on se fait critiquer beaucoup. On se fait critiquer aussi par les propos, mais je pense que les propos sonores, musicaux, s'il peut y en avoir du musical là, dans ce qu'on fait, sont là, tu sais, puis c'est pas des choses que tout le monde est capable de prendre. C'est des choses qui sont tabous, qui sont nouvelles, ou sinon, qui sont pas nouvelles, c'est des choses que les gens ont toujours jamais pris le temps de connaître. Puis comme le cancer, bon, tout le monde a déjà été touché par ça, puis il n'y a jamais nécessairement tout le monde qui a pris le temps de se pencher sur la question, sur qu'est-ce que ça leur faisait personnellement. Puis souvent, nos propos, on va parler de viol, d'overdose, on va parler de violence physique, de violence psychologique sur les êtres humains, puis c'est pas tout le monde qui est capable de prendre ça non plus. Puis même nous, des fois, on se demande, OK, où la ligne, on sait pas, on joue avec ça, puis on essaie de découvrir. Là. Donc c'est sûr que le nom J'ai le cancer en partant donne un peu le ton de ce qu'il va y avoir comme spectacle. T'sais, quand je dis aux gens, viens voir un spectacle, mais attends-toi pas à rien. On s'appelle J'ai le cancer, tu sais. Donc, c'était un extrait de cette deuxième entrevue, plutôt de ce deuxième côté. Non, ben, c'était le deuxième extrait de l'entrevue, voilà, que j'ai réalisé avec J'ai le cancer plus tôt cette semaine. Eh bien, donc, c'est maintenant le moment, vous êtes intéressé, peut-être vous n'avez pas réussi à vous mettre la main sur un album de J'ai le cancer lorsque ça a paru. Bien sûr, on a le groupe en entrevue aujourd'hui. Il reste un segment d'entrevue de 3 minutes quelques à vous présenter. Mais avant tout, on va aller écouter une pièce tirée de cet album. Une pièce qui tourne une fois de temps en temps. C'est fou, hein, n'est-ce pas? On essaie de vous présenter donc cette fameuse musique émergente. Très intéressant à écouter. Et donc, on va faire écouter une pièce également pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que ça ressemble. Mais avec les entrevues aussi, avec les segments d'entrevue, vous avez pu voir que c'est quelque chose quand même d'éclectique, mais qui peut-être élargir vos horizons musicaux. Donc, voici Je te frappe parce que je t'aime sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est Jules Cancer. La première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un parc. C'était l'été. Il faisait beau. Je t'ai vu, tu m'as souri, tu m'as regardé. T'étais belle. Je t'ai souri moi aussi. Déjà, je t'avais dans la peau. C'est toi que je voulais, pas aucune autre. Je les ai toutes oubliées les autres dès que je t'ai vu toi. Mes amis étaient là aussi. T'en as vu d'autres, mais... toi et moi, il y avait quelque chose de spécial. C'était magique entre nous deux. De l'énergie, ça passait. Tu me l'as renvoyé tellement facilement, toute cette énergie-là que je t'envoyais. En quelques semaines seulement, ça allait de mieux en mieux. Et plus ça allait, plus on se voyait. Plus on se voyait, plus on était proches. Plus on était proches, plus j'étais en amour avec toi. On se comprenait. Je te comprenais tellement bien. Je savais à quoi tu pensais. Et toi, tu pouvais lire dans mes pensées. Je sais pas comment tu faisais. J'ai tellement vu, j'ai tellement senti en dedans de moi. À chaque matin quand je me réveillais, je pensais à toi. À chaque soir quand je m'endormais, je pensais à toi. Même quand t'étais pas là. Pour toi, j'aurais pu tout donner. J'aurais pu me débarrasser de n'importe quoi. J'aurais pu tout abandonner pour toi. Quand je te vois, tu me fais du bien. Tu me fais sourire. Tu me rends heureux, c'est simple. Tu tiens à moi. Tu tiens aux gens qui t'entourent. Puis je le ressens, ça. Puis je tiens à toi aussi. Puis je tiens encore plus à toi qu'à qui que ce soit d'autre. Parce que je t'aime. Je t'aime, Mescaline. Je t'aime. Tu m'as prouvé qu'on pouvait aimer comme jamais je pensais pouvoir aimer dans ma vie. J'ai senti glisser à l'intérieur de moi. Je me suis senti glisser à l'intérieur de toi. Notre sang coulait dans les mêmes veines. J'ai tenté de te tromper. J'ai tenté d'aller voir ailleurs. Il n'y en a pas une qui t'arrivait à la cheville. Pas une qui était aussi bonne, aussi merveilleuse que toi. T'es la meilleure pour moi. Quand tu me serrais dans tes bras, et encore aujourd'hui, quand tu me serres dans tes bras, quand tu me serres fort, fort, j'ai l'impression que je pourrais me laisser aller. Parfois, j'ai l'impression que je respire même plus. Je me rappelle encore de mon premier Noël chez mes parents avec toi. La première fois où je t'ai amené au restaurant, on s'est fait l'amour dans les toilettes. Le premier automne qu'on a passé ensemble à jouer dans les feuilles. Le premier hiver à faire des anges dans la neige. Le premier printemps à sauter dans les flaques d'eau. Ça fait des années déjà. J'ai tellement tout laissé tomber pour toi. J'ai abandonné l'école. J'ai laissé mon travail. J'ai laissé mes ex. J'ai laissé tomber ma famille. J'ai perdu mes amis. J'ai tout laissé tomber pour toi. Parce que je suis bien avec toi. Parce que je t'aime. C'est ma raison de m'endormir le soir. C'est ma raison de me lever le matin. Je te vois dans ma soupe, je te vois dans mes céréales, je te vois dans le miroir quand je me regarde dans les yeux. Je regarde le bout de mes doigts puis je m'imagine en train de te caresser. T'es partout dans ma vie. Je t'écris aujourd'hui pour te dire adieu. Parce que je sais qu'on va devoir se quitter. C'est pas toi qui s'en vas, non. Non, c'est moi qui pars. Je dois partir parce que je t'ai trop aimé. J'ai trop senti en dedans de moi. J'ai trop souffert de toi. En même temps, ça me faisait tellement du bien. À chaque fois que je t'ai senti, je te dis peut-être pour la dernière fois, il était trop tard. Mais je veux pas que tu m'oublies. Je t'aime, Mescaline. Je t'aime, Mescaline. T'es la femme de ma vie. Oublie-moi pas. Oublie-moi pas. Donc, je te frappe parce que je t'aime de la part de Gilles Cancer. Et oui, donc, qui sont en spectacle à l'appart dès demain. Et c'est 6$ le billet. Arrivé vers 8h. Le show est à 9h. Donc, c'est très intéressant comme show. C'est très scénique. La musique, c'est quelque chose, mais la performance également de Rémi Francoeur, ça vaut la peine. La performance de tous les musiciens. Mais Rémi, qui est en avant au micro, c'est incroyable. Sérieusement, là, grand acteur, grand homme de théâtre. Dernier concert que je suis allé, vous avez terminé avec Gilles Cancer, c'est de la merde, scandé par toute la foule pendant des dizaines de minutes. Et les artistes, vous-même, en le fond, quittiez le stage pour aller tout simplement crier également que c'était de la merde. Donc, il y a un sens d'ironie là-dedans. Vous savez, dans le fond, la perception est des gens donc peut parfois être mauvaise, mais quand même, lorsqu'on va à vos shows maintenant, il y a quand même des habitués qui aiment bien, qui applaudissent et vous retrouvez des fois être les seuls à vous huer vous-même. Ça, c'est encore drôle. La semaine passée, on jouait à Montréal dans un endroit qui s'appelait le Piranha Bar, qui est un bar sur deux étages. C'est pas très grand, c'est sur Sainte-Catherine-Ouest. Puis on décidait qu'on finissait le show un peu de la même manière, qu'à la fin, on rentrait dans la foule en suant. Puis là, on est dans la foule en train de crier. Puis on est au deuxième étage. Puis au premier étage, les gens qui ont descendu, parce que sûrement qu'ils n'aimaient pas le show, quoi que ce soit, ou qui buvaient au premier étage, ont décidé qu'ils embarquaient. Fait que le premier étage du bar criait plus fort à travers les marches que le deuxième étage pour nous dire de fermer notre gueule, je pense. Ah, mais c'est bien l'interaction. Ça bien drôle, honnêtement. Mais tu sais, on nous sont dit en bas après ça, c'était pas méchant. Je pense qu'on veut s'embarquer dans le trip en même temps. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'un jour, on s'est dit, au niveau de la démarche de qu'est-ce qu'on faisait, la plupart des groupes de musique, quand ils font des spectacles, quand ils font de la musique, c'est pour provoquer une émotion. C'est pour provoquer une émotion qui est « Ah, waouh, j'ai vu un spectacle de musique, j'ai vraiment aimé ça, j'aime les tunes, ça m'a mis dedans, je suis heureux, je m'en vais, puis tout va bien. » Puis on s'est dit « Non, on va essayer de faire autre chose. » On essaie d'aller chercher une émotion qui est « je suis perplexe, j'ai vraiment aucune idée si j'aime ça ou non, mais j'ai le goût de rester pour voir jusqu'à la fin. » C'est pour ça aussi qu'au début, notre côté musical, le côté noise, était vraiment beaucoup plus fort puis vraiment, vraiment, vraiment moins écoutable. C'était même bien rough pour nous autres des bouts. On se faisait mal aux oreilles nous-mêmes. Puis on essayait d'adoucir ça puis d'aller chercher un petit peu plus loin dans le propos pour justement arriver à une espèce d'équilibre qui n'est pas nécessairement le plaisir de « Wow, j'aime ça, ça me rend heureux », mais c'est plus le « Je veux voir jusqu'où ça va aller ». Provoquer d'autres sortes d'émotions que le plaisir. Ouais, ben c'est une très bonne idée. D'ailleurs, vous êtes dans les premiers, les pionniers, donc à utiliser un peu ce style. Ben, je suis sûr qu'il y a le noise qu'il fait. En fait, je dirais tout simplement, ben merci beaucoup. Gilles Cancer, Rémi Francoeur, Pierre Brouillette-Hamelin, Josua Gaumont-Lacerte, qui est malheureusement pas avec nous parce qu'il travaille. Ouais, non, fallait qu'il comparaisse en cours. Comparaisse en cours. Ouais. Pour On n'en parlera pas. On n'en parlera pas, c'est trop dangereux. Ouais. On rappelle, vous avez un show ce vendredi. Oui, vendredi 19 mars, ma mémoire est bonne. C'est à l'espace de créativité émergente L'Appart, sur la rue Saint-Antoine, au centre-ville de Trois-Rivières, dans le cadre des spectacles Feu de forêt dans le désert. Puis, alors, on est invité, puis il va y avoir quatre groupes de musique dans la soirée, puis Gilles Cancer est un des quatre groupes. C'est génial, et ça coûte combien? 6$, c'est à 20h, 21h, je crois. 20h, 21h, le départ du spectacle. Mais il y a beaucoup de musique, donc arrivez tôt si vous voulez prendre une bonne place. Quatre groupes pour 6$, ça vaut la peine. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis on va aller vous voir vendredi. Est-ce que vous avez d'autres dates? Après ça, ça passe en avril. On offre une courte prestation sûrement au Café Nord-Ouest dans le cadre d'une soirée de contes.